Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes le 4 ? Non. Ah, mais tu aimes Juillet ? Oui. Et tu aimes Tom Cruise ? Oh yeah. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode 11, où nous allons vous parler du film Born on the 4th of July. Très compliqué à dire, ou né un 4 juillet en français. Un film sorti en 1989 d'Oliver Stone, où Tom Cruise incarne Ron Kovic, ou Ron Kovic, ça dépend comment on le prononce. Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film ? Eh bien non. Est-ce que tu avais envie de le voir ? Oui. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Et toi ? Moi, je ne l'avais jamais vu. Ha. Et oui, ça arrive aussi. Et j'avais envie de le voir, même si j'avais peur parce qu'il avait l'air long. Ah bon ? Oui. Et que je ne suis pas toujours fan d'Oliver Stone. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de le regarder. Ouais, d'accord. Alors, Born on the 4th of July. C'est chaud. Un petit film sur le Vietnam, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, on n'avait jamais fait vraiment. Ouais. Et du coup, Serena, petit résumé pour démarrer ? Yes. Allez, c'est parti. Alors, on commence, on est à Massapequa, je ne sais pas comment on dit. Massapequa, Long Island, 1956. Jeune Rankovic, il fait la guerre avec ses copains, il dit « on attendait de devenir des hommes ». Ils font la guerre, ils vont à la parade du 4 juillet aux États-Unis, qui est quand même une institution nationale. C'est la fête nationale, quoi. Voilà. Où il y a les vétérans qui défilent, parmi des majorettes, des feux d'artifice, des pétards, des tout, quoi. Et ils regardent les vétérans et on comprend déjà qu'il a, je sais pas, il y a un truc, quoi. Il est fan de la guerre. Fan. Il adore ça, il est fasciné par la guerre. Oui. Et par défendre son pays. Enfin, il y a un truc quand même. C'est pas que le militaire, c'est le côté. C'est très patriotique, en fait. Très patriotique. Mais il est encore petit, là. Oui. Il y a Donna, une petite jeune fille qui lui amène une casquette de New York. Yankees, voilà, l'équipe de baseball. Il est trop content. Elle l'invite au feu d'artifice du soir. Elle l'embrasse. Lui, il comprend rien. Il fait des pompes à côté. Tout ça, ça se passe les premiers 10 minutes. Des pompes en plus. Elle dit c'était bien. Je sais pas, tu veux voir combien de pompes j'ai fait. C'est trop bizarre. Con. Ce gamin est bizarre. Donc, Donna essaie de trouver un autre copain. Ils vont le voir jouer au baseball. Bon, bref, c'est les mecs, c'est l'enfant des États-Unis des années 50. Quoi. Il regarde Kennedy à la télé. Et les fameux discours, il dit ne vous demandez pas qu'est-ce que les pays peuvent faire pour vous, mais c'est ce que vous pouvez faire pour les pays. Tout à fait. Sa mère. Qui a assez personnage chelou, mais très bien. Il rêve que Ronnie, il parle un jour en grande foule comme Kennedy. Kat, il est déjà ado, il est en train de faire du wrestling, de la lutte. Oui, de la lutte gréco-romaine, ou je ne sais pas. Il a un coach horrible qui lui crie dessus tout le temps. Il a que des gens horribles autour. C'est horrible. C'est un peu l'histoire de sa vie. On voit qu'il a une flopée de frères et sœurs. Genre, ils sont 5-6. Oui, famille catholique. Famille très, très catholique. Il se fait le signe de la croix avant de rentrer à la maison. Il a un grand match de wrestling où tout le monde s'attend qu'il va gagner. En fait, il va perdre. C'est le désespoir. Il y a deux sergents du bureau de recrutement des Marines. De Levittown qui arrive à l'école, qui part des Marines, ils disent mais vous pouvez aller à l'armée. Oui, mais c'est pas très intéressant. Les Marines, ouais, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Voilà. Donc il a envie d'y aller. Il a des petits cœurs dans ses yeux. Il est fan de ça. Il veut être les meilleurs. Ouais. Quoi, après, ça peigne. C'est le début, c'est très rapide. Hein. Tout ça, c'est un quart d'heure. C'est les titres de. Ouais, c'est ça. du et, début. Et t'es vraiment l'ambiance années 50 où c'est le patriotisme à fond. Il y a vraiment pas de remise en question. Du tout. Donc la guerre du Vietnam, entre potes, ils commencent à en parler, genre, oh, il y a un pays comme ça, le Vietnam, on dit qu'il y aura la guerre. Et Rony dit, bah, moi, je vais m'inscrire aux Marines, c'est sûr, il faut être en première ligne, il faut défendre la patrie, c'est notre occasion d'aller dans l'histoire. Tous les potes, ils sont avec lui, sauf un, Stewie, qui ne veut pas risquer de mourir. Il dit, mais vous êtes sûr, moi, je vais faire la fac gestion bancaire. Je sens moyen, le Vietnam, je sais pas. Non, je sens pas trop. Mais allez-y, bon, ok, c'est les balles de fin d'année. Qui tu invites, qui j'invite, qui machin. Lui, il voudrait beaucoup inviter Donna. Mais elle a déjà un mec. Bon, ça le fait pas. Du coup, il dit que le bal, c'est pour les nazes. Voilà. Il dit à ses parents qu'il s'engage dans les Marines. Son père, il a des doutes. Il dit, quand même, faire une guerre à 20 000 km d'ici, c'est un peu chaud. Sa mère a dit, non, c'est bien, parce que c'est contre le communisme. Parce qu'on comprend. Le communisme. Et c'est la peur du communisme. À Cuba, c'est à 504 km. Oh mon Dieu, ça va arriver chez nous. Donc, c'est comme ça. Et il prie, et on le voit en belle scène où il prie, il demande à Jésus, je ne sais pas, je voudrais m'engager, mais je ne suis pas sûr, qu'est-ce que je vais faire? Et Jésus ne lui répond pas. Non, bizarrement. C'est comme d'hab, jamais. Et il va courir sous la pluie pour aller embrasser Donna au bal. Cut. On est près du fleuve Kua Viet, octobre 1967. Super précis, parce que je suis plein de notes. On est là, on voit des super silhouettes noires qui défilent sur un fond orange rouge sur une espèce de plage un peu. Ouais, parce que c'est les Marines et on est au Vietnam, ils ont débarqué, ils sont par là, tu vois. Tom Cruise, on comprend que ça fait un moment qu'il est là, qu'il est un peu le chef, il devient un peu chef de son peloton. Il est sergent de son bataillon, je crois. Il rencontre Wilson qui lui dit « Ah, mais moi je viens de Géorgie, j'ai un peu peur. Georgia. » Non, pas Géorgie. Georgia. Américain. Il lui dit « Non, mais t'inquiète, tu restes avec moi, ça va bien se passer. » Ils sont attaqués. Il y a les chefs qui arrivent qui disent « Attention, là, il y a des Vietcong, là, fusil, il faut faire les tours et les attaquer. Ouais. » Il y a des... Donc, Tom Cruise, il part avec une équipe. Il y a des gens qui tirent avant l'heure. Oui, ils commencent à tirer par peur, probablement. Oui, de son camp, hein. C'est des Américains qui commencent à tirer. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est la merde et tout. Comme ça, ils s'échappent. Ils vont Ils canardent un village, quoi. C'est des maisons, c'est des habitations, ouais. Et ils canardent dans tous les sens. Dans des cabanes au bord de la plage. Donc, ils vont rentrer dans des cabanes. Ils se rendent compte qu'ils ont tué quand même toute une famille avec des enfants, des civils. Ils sont tous choqués. Il y a un enfant qui crie, un bébé qui pleure. Donc, on se dit, oh, il faut sauver ces gens, les bébés. Non, il n'y a pas le temps. On y va. Ils se font tirer dessus. Ils se font attaquer en même temps. Donc, Ronnie Kovitch, Tom Cruise, il tire. Il y a une silhouette qui vient vers lui, il lui tire dessus, mais en fait, c'était Wilson. Et il tue un copain. Voilà. Il est choqué. Il va essayer de se dénoncer au chef. Capitaine, ouais, je sais pas son quoi. Son supérieur qui lui dit que non, non. Le supérieur dit non, j'ai pas l'impression. C'est bon, allez, fais la guerre. Ton traumatisme, tu te le gardes. Voilà. Donc, il garde son traumatisme. On est en janvier 1968, donc une année à peu près après. Il y a une grosse attaque, tout le monde s'échappe. Tom Cruise, il reste, il tire, il n'arrête pas de tirer. En fait, on lui tire des sons. Il est abandonné au milieu du champ de la plage. Presque mort. Il y a un gars qui arrive. Il s'est fait tirer dans le talon déjà. Ouais, le talon qui explose, c'est dégueulasse. C'est horrible. Et après, il se fait tirer dans l'épaule, je crois. Ouais, deux, trois points sur le corps, je crois. Sur le torse, ouais. Et voilà. Et ça va poser des gros soucis après, puisque ça va toucher la moelle épinière. Voilà. Il s'est fait quand même sauver par un gars qui vient le récupérer en courant. Déjà, ça, c'est énorme. Et qui meurt après, en plus. Qui meurt tout de suite après, c'est horrible. Ouais. Il se retrouve dans l'hôpital des camps où c'est assez horrible, où on voit tous ces gars qui sont des bras, machin truc, qui crient. Et lui, il est pas si grave que ça, donc on lui dit, tu dois juste essayer de survivre, on peut pas s'occuper de toi. Oui, tu vois qu'ils ont pas le temps, ils ont pas l'hygiène, ils ont pas les moyens, ils sont abandonnés. Enfin, même, t'as des... C'est les infirmiers qui disent que... Attends, c'est pas encore là. Hein. Ça, c'est l'hôpital de Caen. Après, hein. C'est encore... Oui, et après, il est transporté à l'hôpital de Caen. Pour les vétérans. Pour les vétérans, dans les Bronx, en 68. Genre, Et là, c'est horrible. C'est horrible. Il y a des rats grands comme des chats. Ils sont abandonnés. Tout est sale. Il n'y a même pas un médecin. Il y a un médecin pour tout le monde, je crois. C'est ouais. Ça. Le... Il ne le voit jamais. Les infirmiers fument, ils jouent aux cartes. Ils se droguent. Ils se droguent. Tout le monde se drogue. On a des magnifiques scènes du caca, des gamelles lavées. C'est un gros repère à crack. En fait, c'est un peu l'image d'un repère à crack dans le Bronx. Quoi. C'est voilà, vraiment c'est... ça. Sauf donc, que c'est un hôpital. Voilà. C'est un peu la honte. Donc, on comprend que la moelle épinière a été touchée, qu'il ne peut plus marcher, il ne peut pas avoir d'enfant. Quoi. Il ne peut pas avoir d'érection. Au-dessus de la ceinture. Voilà. Donc, il dit non, mais moi, je vais réussir à marcher, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Il s'entraîne avec des béquilles. Il traîne les pieds et bam, il tombe. Et à nouveau, la jambe, elle se perfore. Quoi. Il se fait une fracture ouverte. Horrible. Donc, ils veulent lui amputer la jambe, mais il refuse. Il attend 4 mois bloqué dans un lit pour pas l'amputer. Il arrive à ne pas l'amputer, heureusement, merci. Et en fait, il a des discussions quand même tout le long qu'il est à l'hôpital. Il a des discussions avec l'infirmier qui dit « Mais la Vietnam, c'est une guerre des Blancs, c'est une guerre des riches. Les vrais problèmes, on va défendre là-bas, c'est qu'on n'a pas ici aux États-Unis. Les vrais problèmes, c'est pas les Bronx. C'est Detroit ou New York. Et donc, les chômages, voilà. On s'en fout des gens ici, quoi. » Donc lui, il est contre ça, il dit non, mais le Vietnam, c'est pas en guerre de blanc, c'est où mon argent? Moi, je ne suis pas riche, tu vois, je suis allé pour la patrie. Blablabla. Il rentre à la maison, tout le monde est content de le voir. Il a ses deux jambes, mais il est en fauteuil roulant. Son père, il l'accueille quand même avec un peu d'amour, mais tout le monde est trop gêné parce qu'il est moche, parce qu'il est en fauteuil roulant. Parce qu'il est un peu taré quand même. Et puis en plus, c'est vraiment, à travers ses yeux, on le ressent. Quoi. Tout le monde le regarde, ouais, on se demande... Il y a des gens qui seront super contents, genre c'est un héros de guerre, et d'autres qui le regardent, oui, mais il est paralysé, enfin c'est très... C'est hyper glauque. Lui, tu sens qu'il n'est pas bien, en tout cas, il y a un truc qui n'est pas clair. Et en plus, tout le monde dit, ah, mais ça va, t'es en super forme. Alors que non, c'est vrai. Il n'est pas en forme. Il le sait. Ouais. Donc, il retrouve tous ses amis, pas tous ses amis, parce que la plupart de ses amis sont morts d'enfance, et il retrouve Stewie, donc les gars qui voulaient faire du business, qui a ouvert une chaîne de burgers avec des trous à l'intérieur pour faire de la thune, bon. Qui lui propose... Il y a toujours un petit capitaliste un peu pourri qui traîne dans ses films. Qui lui propose un taf comme caissier, mais il dit non, j'ai mis 700 dollars de l'armée, là c'est bon. Son petit frère Tommy, il est quand même, on comprend assez vite qu'il n'est pas pour la guerre, qu'il commence à être dans les mouvements 68, anti-guerre, pacifiste et tout ça. Il est très gêné de discuter avec son frère continue de parler autant de la guerre et de ce qu'il a fait, du patriotisme. Il n'arrête pas de dire, mais il y a des manifs partout à Chicago, ils brûlent des drapeaux américains, mais c'est la honte, ça ne va pas la tête, machin, nous on s'est sacrifié. Tommy dit, mais non, mais la guerre c'est la merde, regarde-toi comment ça t'a réduit, quoi. Bon, c'est un peu dur à entendre. C'est les 4 juillet 69, donc c'est la fête. On l'invite à parler en tant que vétéran. Et c'est l'anniversaire de Ronkovitch, parce qu'il est né un 4 juillet, d'où le titre. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ses 20 ans, quoi. Déjà, il est tout super jeune. Donc, il doit faire son discours, son grand discours, pour dire les Vietnam, on va gagner, il n'y a pas de soucis, et machin. Et quand il commence à parler, en fait, il entend les bébés qui pleurent et les hélicoptères se bloquent. Tout le monde dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Sa mère est trop déçue parce que sa mère, elle est à fond pro-guerre et tout. Donc il se bloque. Timmy, son pote d'enfance qui est parti aussi à la guerre, il vient, il l'enlace et dit vas-y, on se casse, je t'emmène avec moi. Et il commence à avoir une vraie discussion entre vétérans en disant mais c'est la merde, l'hôpital quand c'était de la merde, ils nous traitent comme de la merde. Et Timmy, il dit ben, moi je mets drogue parce que c'est le seul moyen que j'ai pour m'en sortir. Ok, d'accord. Il cherche Donna qui est allée à l'université à Syracuse, que c'est l'université occupée, donc l'université libre. Il se rend compte que Donna aussi, elle est anti-guerre. Oui, ça fait son chemin petit à petit. Ah, petit à petit, et ça arrive. Il va en manif avec elle, mais lui, il n'est pas anti-guerre encore. Il va en manif avec elle, et il se rend compte que la police, il défonce tout le monde, et il tape à mort, même lui, ils veulent le taper, tu vois, alors qu'il est en fauteuil roulant. Donc il commence à... Il se pose vraiment les questions. Puis il y a tout un enchaînement des soirées où il est bourré, il engueule les gens, il veut danser avec une nana, ça se passe super mal, personne ne l'aime, c'est horrible. Il va à la maison, il est complètement pété, sa mère elle lui crée des sous, elle lui dit mais non mais Dieu c'est de la merde, j'en ai rien à foutre la guerre, c'est de la merde, c'est que des mensonges qu'on nous raconte, moi j'ai plus mon pénis, je peux plus avoir mon érection, ça va dire non érection parce qu'elle est méga cato, ne me parle pas comme ça, et voilà il est désespéré, sa mère elle crie, lui il crie et son père il l'amène au lit et il dit à son père mais qui va m'aimer comme ça, et son père lui dit mais ça serait pas le moment de partir, tu voulais pas aller au Mexique. Je dis, ah oui, parce qu'il y a plein de prostituées. Donc, il se retrouve à Villa Dulce, Mexico, 2 ans plus tard, en 1970. Il y a plein de gens en fauteuil roulant, c'est tous les vétérans en fait, qui se retrouvent là-bas, qui vont aux prostituées. Il y a un super gars qui s'appelle Charlie, je vais parler William Defoe. Bah, il est le charmant du groupe. Oui. Quoi. Il a des nanas, il lui explique un peu... Il essaie de lui changer les idées, enfin, lui dire pourquoi ouais. Il est venu, en fait, c'est pour... pas pour se retrouver, mais pour vraiment relâcher un petit peu la pression, parce que dans le monde normal, ils se rendent bien compte. C'est pour ça qu'ils sont tous là, les vétérans. Ouais, ouais. C'est parce que dans le monde normal, en fait, ça marche pas, quoi. Ils arrivent pas à... Voilà. Ils lui vendent aussi un peu le rêve du paradis au Mexique, où t'as des nanas, tu peux les payer, t'as plein de thunes, tu bois de l'alcool, t'es au bord de la plage, ça va, quoi. Donc, il va avec une nana, effectivement, et voilà, il est en relation sexuelle. Et en fait, petit à petit, il s'intègre à cette communauté de vétérans. Mais Charlie, on le voit un jour, il se prend la tête avec sa nana qui lui dit « Ah, elle se moque de moi parce que moi, ma bite est molle, en gros. » Donc, il est trop vénère. Ils se font chasser, ils se retrouvent au milieu du désert. Il se prend la tête. C'est très drôle, formidable. Et Ronikovic, il se rend compte que c'est pas là qu'il va résoudre ses problèmes. Ouais, que c'est juste mettre de côté et qu'en fait, il a rien résolu. Voilà. Il essaie d'écrire une lettre aux parents de Wilson qu'il a tué pour leur dire que c'est lui qui les a tués, mais il n'y arrive pas. Bah, il va en Georgia, il prend un bus, il arrive, il va sur le tombeau du gars, il lui met des fleurs et il va rencontrer la famille. Et il va leur avouer en fait, que c'était lui qui a tué leur fils. Leur fils unique qui a laissé une femme avec un enfant, quoi, tout petit. Donc voilà, la famille réagit. Bah, c'est super la scène en fait. Ouais, la scène est très belle. La mère, elle dit « Oui, oui, merci d'avoir dit ça. Nous, on comprend la douleur. Mmh. On comprend ta douleur parce qu'on a vécu la douleur. » Oui, et puis c'est sa femme qui dit que... en gros, je comprends ta démarche, tout ça, mais je ne pourrai jamais te pardonner. Mais Dieu peut-être va te pardonner. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, et à partir de là, il commence à faire des manifs anti-guerre avec les vétérans, qui se retrouvent à la convention républicaine. Républicaine, oui. À Miami Beach en 72. Et il y a un gosse avec Nixon hein. Qui doit être réélu. Oui, c'est ça, c'est sa deuxième campagne. Deuxième campagne, voilà. Il parle aux journalistes en disant « Mais non, c'est de la merde. » Ils nous disent « Nous, regardez les vétérans, on est traités comme de la merde. » Ils nous disent que des mensonges. Pourquoi on irait à 20 000 km ? En gros, il devient anti-guerre. Tout le monde s'intéresse à eux. Il y a plein de gens qui les tapent ou qui les insultent. C'est horrible. C'est horrible. Ils se font taper par la police, mais ils y retournent en disant « Non, mais on ne peut pas laisser passer ça. » Donc, tout le monde crie, tout ça. Et 4 ans plus tard, il y a les congrès des démocrates. Il est super bien habillé sur son fauteuil roulant. On comprend qu'il a écrit un livre. Oui. Et il doit aller parler à tous les gens, à la nation. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va dire parce qu'on ne le verra pas. Mais en tout cas, tout son positionnement de vétéran par rapport à la guerre. Et tout le monde lui demande des autographes. Tout le monde dit « Ah, on adore ce que vous faites. » Et il se rappelle que sa mère lui disait cette histoire-là. Il va parler devant une grande foule. Et voilà, les rêves réalisés. Et un journaliste elle lui dit « Mais du coup, qu'est-ce que ça vous fait de parler devant tous ces gens ?» Il dit « J'ai l'impression d'être retourné chez moi. D'être à nouveau à la maison, quoi. » Et il se rappelle tous ses souvenirs heureux. Et voilà. Fin du film. ça allait vite. C'est parce que c'est un film qui dure 2h30 quand même. Hein. Du coup, et qui est très très très complet. Ouais. On traverse toute une vie. Enfin, c'est un peu l'histoire. Mais c'est ça qui est fou. Il y a plein de. En plus, il y a plein de quatre hyper. Il se passe plein de choses, mais en très peu de temps finalement. Et tout est quand même hyper connecté et fluide. Enfin, il y a une logique. C'est génial. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Eh bien, tu veux pas le dire, toi ? Ah, si, moi, je peux le dire. Ouais, voilà, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment, C'est assez bon, on parlera de la performance de Tom Cruise plus tard, mais en tout cas, c'est assez impressionnant de, pour un film de 2h30 quand même, d'arriver à être aussi efficace. Après, c'est tiré du bouquin donc, de Ron Kovitch, qui a vraiment existé, qui a écrit le bouquin et qui était au scénario avec Oliver Stone. Donc, ils l'ont écrit à deux, le scénario. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois hyper, hyper précis dans ce que ça rapporte et hyper bien écrit pour le cinéma aussi, parce que Oliver Stone, en gros, a un peu de A à Z, a pu gérer tout le truc. Et en fait, c'est assez efficace, quoi. On en parlait avant en préparant l'émission et on se disait que le montage était très efficace parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup d'ellipses parce qu'il y a beaucoup de on est quand même sur 40 ans quasiment de enfin 30 une trentaine d'années de, oui, d'existence de Ron Kovitch. Et en fait, c'est très très efficace. Il n'y a pas besoin de passer, voilà, il passe 5 minutes sur l'enfance, mais tout est déjà posé très très vite. En plus, il y a des scènes qui se répondent entre le premier défilé quand il est gamin, le défilé ensuite quand il est revenu. Ouais. Cette fois-ci, il est en son honneur. On voit juste avec ces scènes-là le changement d'époque. Parce que dans le premier, personne ne pose de questions sur la guerre, sur les militaires et sur comment on gère la géopolitique étrangère. Et on le revoit donc du coup en gros 10-15 ans en après. En 68 un peu ça. Oui, donc 12 ans après. Et là, clairement, dans le public, ça se passe pas du tout. C'est exactement le même type de plan, les mêmes manières de faire, mais rien qu'en faisant ça, juste avec les images et le son, pas mal aussi, on a compris comment l'Amérique avait changé. Ouais. Donc, c'est vraiment la photographie de l'Amérique à travers ce mec-là que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est trop bien de faire un film anti-guerre du point de vue du vétéran, parce qu'au début, même les hippies, tu vois, tu entends comment lui, il en parle. Et t'as presque envie d'être d'accord avec lui, en disant, ben oui, ils sont jamais allés, c'est qu'il y a des blancs, c'est qu'il y a des riches, ils sont jamais allés à la guerre, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, petit à petit, c'est convaincu, et toi aussi, en tant que spectateur, et ben, tu te convaincs, en fait. Bon, nous, on était déjà peut-être un peu convaincus, mais il y a un truc qui est chouette, quoi. C'est un truc, je me disais, c'est quand même toujours compliqué, c'est une époque qu'on n'a pas du tout connue, c'est une guerre, la guerre du Vietnam, et l'Amérique, on n'était pas, enfin, c'est pas notre héritage, donc c'est compliqué c'est toujours un conflit qui est très, très médiatisé, qu'on connaît beaucoup, avec les livres d'histoire, avec les films, beaucoup. Mais on n'a pas on n'a pas l'attachement, le même attachement que les Américains ont, quoi. Et après, un autre truc que je trouvais sur le film qui est hyper chouette aussi, c'est tout ce qui gravite autour. Il y a vraiment la question centrale sur la guerre du Vietnam, mais il y a aussi, notamment avec le passage dans l'hôpital de vétérans, dans le Bronx. Ah là là là. Justement, il y a aussi cette thématique sur comment les Afro-Américains sont utilisés, en fait, ou ne sont pas du tout défendus. Non. Quel lien ça a aussi? Et donc, toute la montée de tout le milieu protestataire, tout le mouvement protestataire, en fait, qu'il y a eu autour de la guerre du Vietnam, et pas seulement contre la guerre du Vietnam. Et c'est assez intéressant. Ouais. Il y a le hippisme, enfin, il y a plein de choses. Il y a Black Panther aussi, un peu en fond, quoi, qu'on comprend un petit peu. Donc c'est assez riche, en fait. Et le film est quand même hyper digeste, je trouve. Ah ouais, grave. Et en plus, il s'est fait sauver deux fois par un Afro-Américain, quand même. Oui. Ah bah oui. Oui, parce que les deux fois, il est en train de mourir, il s'est fait sauver par un Afro-Américain qui meurt tout de suite après, ou qu'on n'a plus de nouvelles, tu vois. Mais ça, c'est symboliquement, c'est hyper fort. Ouais. Non, mais c'est trop bien. En plus, même par rapport au montage, même toute l'histoire qu'il a avec cette fille, cette Donna, qui finalement, elle apparaît très peu à l'écran. Oui. Elle est pas si. Bon, elle est un peu déterminante pour son changement de point de vue. Mais quand même, pas tant que ça. En fait, elle apparaît quelques scènes, deux regards, et on a tout compris. Ouais. C'est assez. Et puis Donna, c'est un peu son seul rapport à l'amour, en fait. C'est la seule personne dont il était amoureux. Même si, en fait, il l'a vu très peu gamin. Enfin, il l'a vu gamin. Après, il l'a plus revu. Et du coup, quand il rentre, il a besoin de la rechercher parce que c'est un des rares trucs où il a l'impression de... Parce que sa famille, c'est compliqué, du coup. Ah ouais. Sa famille, il le regarde plus pareil. Il cherche quelqu'un qui va pouvoir le revoir comme il était avant. Et se persuader qu'en fait, lui, il n'a pas changé. Parce qu'au fond, il n'a pas l'impression d'avoir changé malgré la guerre. Mais en fait, la guerre a fait changer le regard des gens sur lui. A fait changer lui et a fait changer aussi la société américaine. Du coup, c'est tout ce truc-là où lui, il lutte pour essayer de retrouver... c'est pour ça qu'il conclut sur « je suis enfin à la maison ». Ouais. C'est parce qu'en fait, il est enfin à l'aise avec lui, avec la société dans laquelle il est, avec ce qu'il défend, etc. Et il a tout ce temps pour trouver ça, quoi. Ouais. Oh, Choupirone. Choupironi. Ouais. Et après... On en parle de cette famille. Cette famille catastrophe. Après, ah là, ça, joue, là, là, là. Ça joue super bien. Et... C'est, et les comédiens, ils sont trop, trop forts. Mais c'est vrai que toute la relation avec la mère, du coup, les hyper conservatorisme catholique, ah. effrayé par les communismes, genre, c'est vous devez nous sauver du communisme. Et les patriotismes et tout ça, et ils ne voient pas la société qui a changé non plus. Parce que, et en plus, c'est marrant parce qu'ils arrêtent. Ils n'arrêtent pas de dire « Ah, les hippies, c'est des drogués, pourquoi vous traînez avec eux ?» Et en fait, les vétérans, ils sont tous drogués, même pire, tu vois. Votre qui est des scènes où il s'est piqué. Mais après, c'est pareil, c'est la mère, en fait, elle est pro-guerre, etc. Mais en fait, les vétérans, s'en foutent, enfin. Un truc, tu vois, elle est contre le communisme, enfin, c'est un mélange de tout. C'est vraiment une bêtise elle n'a pas la réflexion derrière, c'est vraiment des positions de principe sans avoir la réflexion derrière. Elle n'a aucune réflexion, elle ne s'intéresse pas vraiment aux vétérans alors que son fils lui-même est un vétéran. Enfin, c'est vraiment une ambiance un peu merdique. Et il y a le père aussi qui du coup subit un peu tous ces trucs parce qu'il est dépassé par tous les événements, il ne comprend pas. Le seul truc qu'il peut dire, c'est à son fils, bah là je crois qu'il faut que tu sois tout seul, donc va au Mexique. Et c'est pas forcément le meilleur conseil, mais au moins c'était un peu dans l'idée de bah là il faut que tu t'échappes d'ici quoi. Ah ouais, tu penses, moi je pensais que c'était plus il faut préserver ta mère, tu peux pas la traiter comme ça, donc vas-y. Bah parce qu'après, son père a été militaire aussi. Son père a fait la guerre de Corée, je crois. Ah. Je crois que c'est ça qu'ils disent au début. Ouais. Bah, il a fait une autre guerre. Il a fait une autre guerre aussi, et du coup, peut-être qu'il y a un truc où ils veulent protéger. Enfin, moi, je l'ai vu un peu dans ce genre, dans ce sens-là. T'es pas bien, personne n'est à l'aise. Parce que même son père, tu vois, quand il arrive, il lui dit « Ah, bah, je t'ai refait la salle de bain, je t'ai installé ça, machin. » Tu sens qu'il a tout fait, mais il est quand même pas à l'aise avec son fils. Parce après, qu'il sait il lui que... fait un super câlin, je trouve. C'est trop beau. Moi, ça m'a fait chialer, bien sûr. J'ai trop pleuré. Parce que c'est vrai qu'il est trop gêné. Il est là « Bon, bah, j'ai mis la salle de bain et tout, c'est cool, tu viens de rentrer, regarde, il y a plein de trucs, on a laissé la chambre comme elle était, c'est trop bien. » Câlin. Oui, et puis il y a Ron, pendant tout ça, qui essaye de trouver des repères qu'il a pas. Ben non. Il cherche le regard de tout le monde, mais c'est toujours faux. C'est très... Ouais, c'est bien fait. Ouais. Ouais. tu veux des anecdotes ? Oui. Pour relancer un peu l'affaire. Alors, j'en ai deux, trois anecdotes sur le film. Figure-toi qu'à la fin du tournage, Ron Kovitch, il a donné sa médaille de sa Bronze Star Medal à Tom Cruise. Non. Ouais. En lui disant qu'il avait été estomaqué, et il trouvait ça brillant et il le remerciait pour le courage d'avoir porté ce truc-là qui est pas facile et qui lui tenait vachement à cœur. Non mais bien, non mais parce qu'on en a pas encore parlé, mais c'est vraiment incroyable. On en parlera prochaine. Ah mais c'est ouf. Rubrique, mais ouais. Trop touchant. J'en ai encore d'autres. Vas-y. Alors. Il y avait, dans le film, il y a trois frères Baldwin. Il y a, je sais plus comment ils s'appellent, Stephen, Brand, les frères Baldwin d'Hollywood. C'est qui les frères Baldwin? Et ben Baldwin. Alec Baldwin. Il y a Alec Baldwin, tout ça, machin. Ils sont, je sais pas combien. Et il y en a trois dans ce film. Ah bon? Après, ils font des militaires, enfin, ils font plein de trucs, on les voit très peu, quoi. C'est des figurants. Bon. C'est plus ou moins des figurants, mais du coup, voilà, c'est le début des Baldwin dans tous les films. C'est marrant. Je savais pas qu'il y avait tant de frères que ça. Moi, je connais qu'il y a Alec Baldwin. Oui, mais c'est le plus connu, mais en vrai, dans les années 80-90, ils étaient partout. Ouais, ok. C'est une anecdote. Un peu. Bon, c'est pas terrible. Essayons avec la troisième. Alors, troisième anecdote. Oliver Stone a fait le Vietnam. Sérieux? Ouais. Et en fait, il était volontaire pour aller au Vietnam. Bon, du coup, ça l'a traumatisé parce que derrière, il est revenu, cinéma, études de cinéma, tout ça, etc. Et du coup, il a fait quand même beaucoup de films. Bah, tous ces films sont quand même plutôt des films contestataires, quand même, ou en tout cas qui essayent de reposer des questions sur comment se passent les choses, et notamment au Vietnam où il a fait Platoon, il a fait Né un 4 juillet et Entre ciel et terre, Heaven and Earth, je crois. Je ne connais pas. C'est sa trilogie sur le Vietnam, en fait, avec trois points de vue différents. Différents, ok, d'accord. Platoon, c'est vraiment pendant la guerre dans le Vietnam. Okay. Il y a donc Né un 4 juillet, vu plutôt des États-Unis, on va dire. Et Heaven and Earth, je crois que c'est un homme qui vit au Vietnam, un Américain qui vit au Vietnam. Mais c'est ouf, parce que même les scènes au Vietnam, elles sont très graphiques, très jolies. Et en réalité, tu sens toute la confusion et tu as un son, mais c'est insupportable. En fait, tu es envahi par les sons. Il n'y a pas un moment de silence juste quand il tombe, on croit qu'il est mort. Et c'est assez réaliste, finalement, avec des images hyper graphiques. Tu as l'impression que c'était vraiment comme ça. Je ne sais pas, il y a un truc. Ouais. OK. Ouais. Bravo, Oliver. Ouais, non, mais ça, c'est quand du coup, je lisais ça, je vois, il a fait le Vietnam, et donc il a écrit avec Ron Kovich, donc c'est deux anciens du Vietnam. Il a été blessé aussi, Oliver Stone. Ah bon? Ouais, donc tu dis, alors moins grave. Bah oui. Mais tu dis, ah oui, quand même, ça, c'est pas n'importe comment, quoi. Ça a pas été fait. Oui. Et Oliver Stone, Tom Cruise, c'était son premier choix, lui. Lui, il voulait. Tom Cruise. Ouais, dès le début, il voulait Tom Cruise. Et les studios voulaient pas. Parce qu'il avait fait Top Gun et tout. Il avait fait Cocktail et machin. Et... Non, mais surtout Top Gun. C'était la promo pour l'armée. Et là, tu le mets anti-armée, c'est un peu chaud. Quoi. Ouais. Allez, encore. Alors, vas-y, quatrième. Je te fais une autre anecdote et après un petit quiz pour rigoler. Merde. Il y a quand ils sont au Vietnam, dans son escadron, il y a un gars. Et je le regarde, je dis, ah, je l'ai déjà vu quelque part, je sais qui c'est, machin. C'est le cousin de Tom Cruise. Mais non. Il s'appelle William Mapother, parce qu'on rappelle que Tom Cruise, en vrai, son nom, c'est Mapother, mais qui s'appelle Cruise parce qu'il déteste son père et qu'il ne voulait pas prendre son nom. Tout à fait. Mais donc, son cousin, William Mapother, qui est connu surtout pour avoir joué dans Lost. Il fait comment il s'appelle? Ah bon? Le médecin méchant de Lost. D'accord. Je suis pas un grand fan de Lost. On a toujours mal parlé. Ethan, je crois, il s'appelle dans Lost. Bref. Mais attends, mais il fait quoi dans le film? Et juste, il apparaît deux secondes, c'est un soldat. Ah. Et j'ai regardé. Du coup, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais t'as, c'est le cousin. T'as regardé Tom Cruise, tous les noms. Du coup, j'ai regardé. Et c'est les trois premiers films dans lesquels il joue, c'est les films de Tom Cruise. Enfin, avec Tom Cruise. Ouais. Et après, il a sa carrière, mais bon, c'est pas la même que son cousin. Non. Et voilà, c'était. Il doit être un peu deg, d'ailleurs. Bah, attends, déjà, son cousin l'a fait rentrer au ciné, quoi. Enfin, oui, d'accord. Ok. Ça va. Mais il a pas du tout la même carrière. Non. Allez, un petit quiz. Combien de fois dans ce film on entend le mot fuck? Parce que beaucoup. Ouais. Dit par Tom Cruise ou en général? En général. Ah ouais, beaucoup. Tom Cruise en fait déjà la moitié, parce qu'il est sur tous les plans, donc il en fait pas mal. Il y en a je beaucoup, pense qu'il y en a facilement une centaine. Une centaine, tu penses? Ouais. Plus? Ouais. Putain. Plus? Ouais. 200? Beaucoup plus. Beaucoup plus? 289 fois le mot fuck. Waouh. Mais ça, j'ai pas été toujours jusqu'à vérifier, savoir si c'était un record au cinéma, mais. C'est un film vulgaire. Mais c'est pas vulgaire en fait, c'est qu'ils arrêtent pas. C'est vraiment des ponctuations, quoi. Ouais, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup au Vietnam, t'entends fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Non, mais même après, dès qu'ils s'énervent, c'est tout le temps le fuck. Et ça compte motherfucker? Ouais, ça compte je pense comme qu'ils fuck. Ont du fucking motherfucker, ils ont tout compté. Oui, on oui. a beaucoup dit fuck. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent de podcast sur Tom Cruise, et encore moins sur Né un 4 juillet. Bah, en plus, c'est pas trop un podcast pour les enfants. Bon. Au pire, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire fuck. Mais non, ils vont chercher. On parle de l'animal avec des grandes dents. Voilà. Ok, trop bien. Petit point Oscar avant de se faire un petit extrait. Mais Tom Cruise, tu veux pas en parler de Tom Cruise? On en parle après l'extrait. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu veux faire un petit point Oscar? Bah oui, parce que je sais qu'il a été nominé pour un Oscar dans ses films. C'est une des quelques nominations qu'a eu Tom Cruise dans sa carrière. Mais on sait très bien qu'il l'a pas eu. Mais c'est trop triste. Et il perd contre... il perd. C'est Daniel Day-Lewis avec My Left Foot qui gagne l'Oscar cette année-là. Je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas si j'ai envie de le voir. Je suis dégoûtée. Après, Daniel Day-Lewis... On n'aime pas Daniel Day-Lewis, nous, parce qu'il a piqué un Oscar. De toute façon, il gagne des Oscars. À chaque film qu'il fait, il gagne un Oscar. Et oui, il a fait 4 films, il a eu 4 Oscars. Bah, c'est facile. Bah voilà. Ils ne peuvent pas en donner un Tom Cruise, sérieux? C'est ça. Ah là là. La honte. En plus, il est vraiment trop fort. Bon, bref. Bon, il y a eu deux Oscars pour le film et meilleur film ou pas, et 5 autres nominations. Non, pas meilleur film, mais il a été nommé pour meilleur film. Mais il l'a pas eu. Dommage. Donc Tom Cruise a eu nomination pour meilleur acteur. C'est sûr qu'il y a quelqu'un genre un rôle secondaire, non? Non, il y a pas de rôle secondaire, rien du tout. Ah, non, ouais. Après dans les nominations, il y a eu la photo, le son et la musique. Ah, les sons, il a gagné. Ouais, la nomination seulement. Mais il a été nommé. Ah ouais, Musique de John Williams, faut le rappeler. Bah ouais, trop bien. Et le scénario aussi a été nommé, a pas gagné. Ah. Donc Oliver Stone et Ron Kovich. En fait, ils ont rien gagné ou ils Mais ont si, gagné, ils en ont gagné deux. Ils ont gagné le montage. Ah yes. Et ça. Et ça. C'est clair. On est voit. D'accord. Et Oliver Stone meilleur réalisateur. Ah. Pas mal. Pas mal Oliver. Ouais, sachant qu'il en a gagné, il en avait déjà gagné un avec Platoon. Ah ouais. Un meilleur réalisateur, je crois. Mais si, il est bien quand même, il est fort. Oui, oui. Bon, après, moi, il y a des trucs, des manies qu'il a que j'aime pas trop dans. Mais... Oui, bon. Non, c'est les effets. C'est trop plein d'effets, au bout d'un moment, ça fatigue un peu. C'est l'image, c'est les effets d'image, de la photo, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, il n'a pas été nominé, la photo. Si, la photo a été nominée. Ah si, ouais. Okay. Pardon. J'ai déjà oublié. Montage, c'est Oliver très, très Stone. Tout est très confus. Bon, on se fait un petit extrait et après on parle de Tom Cruise, parce qu'en fait, on est surtout là pour parler de Tom Cruise. Du coup, je vais lancer le jingle de l'effet. Et juste pour préciser, on est au tout début du film. Oui. Il est ado, c'est la première fois qu'on le voit. Bah, non, c'est pas la première fois, mais il est ado et... Il essaye de gagner son fameux match de lutte libre pour devenir une star. Eh bien, là, c'est un point important. Tom Cruise, il est tenu. Ah, ils sont tombés. Allez, un point. Il y a Donna dans le public, il y a ses copains qui font la petite danse. Non, c'est très drôle, la danse. Parce qu'il est en train quand même un peu de gagner, il tient... Il est pas mal. Il le tient. Ah, mais ouais. Ça marche pas. Il a pas réussi à prendre le point. Allez. Il est pas mal. Le coach le remotive. Allez Tom. Putain, ouais. Il y va au pied. Il a relevé, il tient le coup. Et là, il lâche un peu quand même. Tu vois qu'il est fatigué. Ah, là, par contre, ça sent pas bon. Il va se faire retourner comme une crêpe. Non, ça tient encore. La famille, il y a sa mère horrible qui est dans le public. Tout le monde est à bloc. Ah non. Ouais, c'est chaud. Là, ça tient encore. Il a été retourné. Ah là, c'est compliqué. Il faut pas qu'il pose les deux épaules au sol. Mais là. Là, il en a déjà une. Mais il souffre trop, quoi. Il souffre trop. L'arbitre, il regarde. Ralenti. Bam. Il a perdu et il est abandonné au sol. Tout le monde est déçu. C'est la cata. Tout le monde dit non. Il est allongé au sol, désespéré. Bon, bah, sa vie est finie. Et c'est là où tout bascule. Et voilà. Choupi. Choupi, choupi. Le pauvre choupi, choupi. Ah ouais, tu vois trop la mer là. Waouh. Mais il y a tout le monde qui lui met méga pression en fait. Mais c'est quand même depuis qu'il est gamin. En gros, il va faire des discours, il va être militaire, il va gagner la machin. Il a méga pression, c'est le plus grand de sa famille. Ouais, c'est ça. Les premières défaites pour lui. Et ouais. Il est né le 4 juillet. Et il voit un espèce de truc symbolique aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu le Messie américain, quoi. Pauvre. Et du coup. Alors, Tom. Qui est-ce qu'a joué Rankovic? C'est Tom. Qu'est-ce qu'il est? Il est fort. Il est très fort. Il est génial. Et génial, il est trop fort. T'es trop avec lui tout le long. Tu lui crois trop. Il est hyper fort en fauteuil roulant. Il est tout moche. Oui. Quand il est à l'hôpital, il crie, mais il a une espèce de voix, mais déformée. C'est trop ouf, quoi. Ah ouais, non, il joue à fond. Et apparemment, il a fait en mode acteur studio. Il a passé tout son temps en fauteuil. Ah ouais. Dès qu'à partir du moment où il tournait les scènes où il était censé être en fauteuil, il était tout le temps en fauteuil. Bah, ça se voit trop. En fait, il gère trop bien. Et tu vois, il a toujours la tête en arrière, un peu pour s'équilibrer. Et franchement, c'est étonnant de le voir comme ça à l'écran, quoi. Ah, puis après, c'est quand même assez balèze parce qu'il doit jouer Ronkovic de ado à quadragénaire, quoi. Ouais, en faisant le militaire, la période en perdition, la période de... Ouais. Enfin, c'est quand même pas évident d'arriver à faire tout comme ça et avec une progression. Et... Non, mais c'est trop beau. Je pense que les scènes à l'hôpital sont un peu... C'est un peu les trucs que tu fais. Ah ouais, putain, les mecs, il est trop fort. Ouais, non, c'est clair. Et puis aussi au Mexique, c'est trop génial. Toute la bagarre qu'il a avec l'autre, c'est génial. Mais ils se disent des trucs, ils se crachent des sous. Ils sont... Ouah, tu le reconnais pas, en fait. C'est fou parce que quand même, ton coach, il a fait Top Gun, il a fait Cocktail, il a fait Ski Business. C'est un peu le visage. Et là, il est complètement défiguré. Non, mais c'est ouf. Non, c'est ça, quand même, c'est assez culotté quand même de faire ça. Alors que là, il est au top, c'est le sexe symbole. Et les studios, c'est pour ça que les studios, ils ne veulent pas de lui au début. Ouais. Ils se disent, bah non, ça ne va pas marcher. Alors qu'en fait, ça commence à prouver qu'il peut jouer, quoi. Et d'ailleurs, d'où nomination aux Oscars, quoi. Mais non, mais il joue trop bien. Bah, après, nous, on l'avait vu. Enfin, déjà, dans Rain Man, on était quand même assez impressionnés de se dire, oui, quand même, le duo, en fait, c'est le duo qui fait que ça roule, quoi. Et bon, dans Cocktail, il n'avait pas grand chose. Après, voilà, quand tu lui mets un bon réalisateur, un bon scénario, enfin, il s'est largement joué. Non, mais c'est... J'ai les frictions, même. Tu vois, mais non, mais même sur la fin, quand il est trop désespéré, quand il est bourré, il est dégoûté du Vietnam et qu'il n'arrête pas d'engueuler tout le monde, il se retrouve... Il s'est fait... En fait, il tombe de son fauteuil, il peut pas bouger. Tu vois, vraiment, les mecs, t'es là, waouh, tu vois plus Tom Cruise, en fait. Tu vois, alors quoi, vite, quoi. Et ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, il a une application de A à Z sur le truc. Je sais pas combien de temps a duré le tournage, mais tu vois que, enfin, en tout cas, ça a été hyper travaillé, quoi. Il est très, très, très dense. Ouais. Et il est loin, le petit Tom qu'on voyait dans Losing It, qui savait pas trop comment faire quoi. Comment bouger dans son gêné, corps. Il avait des gros soucis de corps. Et en plus, il chante au taquet dans ses films. Il arrête pas de chanter, mais il fait vraiment les gars qui, c'est un peu triste. Il est un peu humilié, en fait, à l'image. Tu sens l'humiliation des autres sur lui. Et en fait, il s'est mis à cet endroit un peu tordu. Même avec Donna, quand il essaie de chanter la chanson où ils se sont embrassés en époque glorieuse, il est en fauteuil roulant, il est un peu pathétique quelque part, et elle ne veut pas être avec lui, et il le fait trop bien, quoi. Ah non, parce qu'il ne joue pas le pathos, quoi. C'est ça, en fait, c'est qu'il arrive quand même, avec tout le passif qu'il a de c'est le beau gosse et le machin, etc., c'est toujours le playboy, et là, il arrive sans en faire des caisses aussi, parce que tu peux avoir ce risque-là de se dire, bon, bah, il va faire. Il va en jouer à fond, il va surmaquiller et tout ça, faire des grosses mimiques. Mais en fait, non, il arrive à être vraiment sur le film. Et parce que. Après, je reviens là-dessus, mais je pense qu'il a un vrai truc bien à jouer, quoi. Le truc est bien écrit, tu vois. Il y a une vraie évolution du personnage. Je pense qu'il doit se mettre la pression parce qu'il sait que Ron Kovitch a écrit le truc et qu'il a envie aussi de faire honneur à cette histoire-là et de voir. Tu vois qu'il a compris, en fait, tous les enjeux. C'est pas finalement un acteur décérébré comme on pourrait le laisser croire. Mais tout à fait, merci. Ah, voilà. Avec plaisir. un vrai comédien, bah acteur. Ouais, mais tu vois, c'est un truc, c'est marrant parce que quand on a commencé le podcast, on se demandait en fait quand est-ce que ça décolle, en fait, à quel moment on peut le prendre au sérieux, à quel moment il fait des bons choix de films, etc. Puis en fait, on est sur la fin des années 80, mais là, il enchaîne deux films où on le voit vraiment jouer, être très impliqué. Et amener quelque chose, quoi, directement, tu vois. Et c'est pas que des bluettes toutes pourries, quoi. Ouais, voilà, c'est pas juste la belle tête qui fait quatre répliques pour Dragon Meuf et c'est fini, quoi. Et c'est pas non plus que le mec qui va faire de l'action qu'on va voir plus tard dans le film où il fait... Mais je comprends pas pourquoi il est si méprisé, en fait, en tant que comédien. Tout le monde est trop étonné qu'on trouve qu'il est un bon comédien, non, quand même. Bah après, je sais pas. Je pense qu'il y a une histoire de période et il a vraiment... Après, on le verra plus tard dans le futur, quoi. Mais il y a vraiment des étapes, quoi, dans sa vie. Il y a vraiment là, tout le début, ce qu'on a fait jusqu'ici, où c'est vraiment le playboy. Après, il va passer plus sur... Il va chercher son Oscar ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des différentes périodes. Et en fonction de la période qu'on connaît ou pas, on n'a pas exactement la même image. Et c'est une image qui est forcément faussée, mais c'est aussi pour ça que ce personnage est complexe. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter de lui. Mais c'est vrai qu'on ne se rappelle pas beaucoup... de ses exploits. Voilà, maintenant, sur la fin de sa carrière, il a fait que des gros trucs d'action que j'adore. Mais voilà, du coup, on oublie. On ne se rend pas compte des très bonnes performances qu'il a eues, quoi. Mais grave. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Bon, mais même, tu vois, moi, je trouvais vraiment trop bon. On parlait de. La couleur de l'argent. Ah oui. C'est pareil, il n'a pas un énorme rôle, mais en fait, il a très vite compris comment il était trop fort. Il le joue et. En fait, il est capable c'est vraiment un bon acteur, quoi. Bah ouais. Et les réalisateurs, ils le choisissent aussi. Et oui, c'est ça. C'est pas juste parce que peut-être il représente quelque chose, c'est parce qu'il est bon aussi. Attends, Bah, il y en a plein, tu vois, qui après Taps, où il a un petit rôle finalement, avait remarqué en se disant il y a quand même un truc. Mais grave. Mais ça, on en reparlera quand on fera notre bilan des années 80, un peu plus en profondeur. Là, on prend un peu trop d'avance. Oui, pardon. Très bien. Après, c'est aussi, cette performance-là, elle amène vachement à se dire, bon, bah là, ça pose quelque chose, quoi. Je crois. Non, mais c'est trop beau de le voir comme ça. C'est trop beau. Même quand il a la tête à l'envers à l'hôpital, il est tout rouge. Il est là, il crie, il est défoncé, il ne peut plus bouger, il est dégoûté. Je sais pas, il y a plein... Là, t'es avec lui et je suis sûre qu'il était tête à l'envers pendant 3 heures, quoi. C'est sûr. Alors, oui, ça se voit trop. Il a les yeux presque hors d'orbite. Ah, Tom. Tommy. Alors, petit box-office, tiens, pour voir ça marche ou pas. Bah, alors, d'après toi, ça marche si, ou pas. Si, ça a trop bien marché. En plus, avec une nomination aux Oscars, ça marchait. Ouais. C'est alors, sûr. Déjà, ça a coûté 14 millions. Ah, ça va. Ce qui n'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant. Et en fait, apparemment, c'est que ça a été une production avec budget un peu serré parce que les studios, ils croyaient pas forcément beaucoup, tu vois, au film. C'était pas évident parce que après, je pense, c'est 89, le Vietnam, ça finit en 75, un truc comme ça. C'est pas. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Et c'est peut-être encore un peu frais pour faire des. Enfin, après, je te dis, c'est la grosse période où il y a des films sur le Vietnam, quoi. Mais peut-être que les producteurs sont encore un peu frileux. Du coup, ils ont demandé à avoir un budget réduit, donc 14 millions. D'accord. Et le salaire de Tom Cruise, ça devait être aux alentours de 3, comme les, de 3 comme les autres. Comme ceux d'avant. Et par contre, ça a rentré, ça a bien marché parce que ça a rapporté 161 millions de dollars. What? Donc, autant que Cocktail, qui a été un carton. Waouh! Donc c'est pas mal, ouais. 161, ça commence et à poser. Déjà, ça fait beaucoup de films à 5 millions de. Mais là, si tu veux, dans les années 80, il y a Top Gun, ça fait 350, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Cocktail 171, Rain Man 412, c'est le plus gros des années 80. Ah ouais! Et du coup, celui-là, 161, ouais, ça pose. Hein. T'as quand même t'as 4 films à plus de 150 millions, c'est qu'a priori, tu peux prétendre à plus d'argent. Mais c'est clair. Parce que là, il devient très, très bankable, comme on dit. Je sais pas si on bankable. Je vais dire ça à l'époque aussi, mais voilà. Ah ouais, avant les années 90. Putain, mais c'est ouf. Et oui, mais après, de toute façon, on va le voir, les années 90, c'est là où ça. Ça s'envole. Ouais, ça s'envole. Et ça s'écrache aussi, ça peut-être. Ça s'écrachera, mais un peu plus tard. On a le temps encore, ce sera pas tout de suite. Ok. Ok, est-ce qu'on se fait un petit cruisomètre ? Cruisomètre ! Je retrouve mon bouton du cruisomètre et je pense qu'on peut dire que c'est l'heure du cruisomètre. C'est l'heure du cruisomètre. Et le cruisomètre, toujours notre échelle de 0 à 100 pour donner un peu notre ressenti après ce film sur Tom Cruise, sa vie, son œuvre. Ouais. Alors, moi j'ai envie de donner beaucoup à ces films. Eh ben oui, mais donne beaucoup. Donne. Bah oui, ben oui. Je crois que je vais donner 85. Waouh, c'est beaucoup. Non, mais c'est bien. Moi, c'est bien quand même. Rain Man 80, ça, il a bien mérité, mais là quand même, ça, c'est trop. Je pense qu'il a trop bien fait de faire ces films-là pour s'en sortir de cette vision du beau gosse qui n'a rien à faire de plus qu'être beau gosse. Là. Ouais. Tu dis, ah putain, la suite, ça peut être intéressant. Ouais, c'est un vrai choix. Bon, on verra les prochains films. Ah non, pas tous. Bah, il y aura 2-3 fautes de quart, mais oui, c'est pas mal. Ouais, donc 85. Ouais, c'est vrai que ça. Moi, j'ai du mal. Alors après, j'étais parti sur 78, je crois, un truc comme ça. Ah, moins que Rain Man. 77. Oui, moins que Rain Man parce que je sais pas pourquoi. Il y a un truc que j'ai. Où je suis plus attaché par Rain Man, c'est un plus gros succès, ça a peut-être un peu plus marqué. Oui, en plus, après, c'est plus touchant. Ça se joue pas grand-chose hein, pour moi, mais, mais voilà, je le mets un petit peu en dessous de Rain Man. Donc, t'as mis combien quand même au-dessus de 77. Mais je le mets quand même au-dessus de Top Gun, parce que même si Top Gun, c'est le décollage absolu, là, au niveau critique. D'ailleurs, au niveau critique, Rotten Tomatoes, 85%. Ah, mais. Oh! Trop un lien, trop bien. Un lien avec toi. Ah oui, ça j'avais même pas fait. Tu pourrais être une critique. Rotten Tomatoes, voilà. Très bien. Ah, on a arrêté à le ciné, c'est décidé. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu naze parce que c'est. Toujours sur 5. 3,6. Ouais, bof, ça change. Ça nous dit pas grand chose. C'est surtout par là. Et puis en plus, comme tu as décidé que c'était trop les spectateurs français, ça te plaît pas. Donc on arrête. On s'excuse auprès d'Allociné qui en a rien à foutre. Et voilà, c'est on clair. Arrête ça. Ok, bon, très bien. Très bien. On est pas mal. 85. Mais c'est un des films qu'on a donné les plus. Bon, on verra ça. Mais ouais. C'est pas mal là. On verra ça au bilan. Alors, c'est l'heure de la recommandation. Petite recommandation. T'as une recommandation ? Ouais. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Si tu veux y aller ou j'y vais ? Allez, j'y vais. J'ai réfléchi plein de fois. Alors, en fait, c'est un peu les œuvres et tout ce qui se passe autour du Vietnam, il y en a quand même pas mal. Donc, en fait, pendant tout le film, je disais « Ah ouais, ça me fait penser à ça. Ah ouais, ça me fait penser à ça. Bon. » Et il s'avère que récemment, j'ai vu pas mal de trucs sur le Vietnam. J'avais vu le Trials of Chicago 7 qui était sur Netflix. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Alors, il est bien ? Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas ça ma recommandation. Mais c'était pas mal, mais j'ai trouvé mieux, du coup. C'est une bande dessinée de Derf Bagderf, qui est un auteur de l'Ohio, qui s'appelle Kent State. Et on en parle dans le film de Kent State. C'est une révolte étudiante. C'est un campus qui est occupé par les étudiants, etc. Et en fait, oui, c'est donc une bande dessinée, donc Darf Bagdaf, qui est de Cleveland, dans l'Ohio, et qui était gamin quand il y a eu cette révolte, et qui, du coup, il a beaucoup documenté, en fait, son truc. Il a cherché énormément de choses, il a passé 3 ou 4 ans dessus. C'est très documenté, c'est de plein de points de vue différents, des étudiants militants, c'est hyper chouette, et c'est donc du coup toutes les histoires c'est pas un siège, mais de ce campus où il y a tout le monde qui est en grève dedans, du rapport avec les militaires qu'il y avait, la police et les militaires qui occupaient, comment en fait tout part, toute escalade en fait sur pas grand chose, en fait sur beaucoup de soupçons, de choses qui n'existent pas, parce que c'est tout le monde est des communistes ou des patriotes, enfin c'est un truc qui est très très... Et lui, il apporte vachement de finesse dans tout ça pour essayer de comprendre un peu l'horreur de ça, comment on arrive en fait à ce qu'il y ait des étudiants qui soient massacrés avec rien en fait. Et c'est assez brillant. En plus, les dessins sont super. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il avait fait une BD que pas mal de gens connaissent. C'est Mon ami Dahmer sur un tueur en série, Jeffrey Dahmer, qui était en fait avec qui il était à l'école quand il était gamin. Donc ce mec, en fait, quand il était gamin, il a connu un tueur en série et il a assisté à une tuerie. Enfin, il n'y était pas parce qu'il n'était pas directement, mais il était à côté, quoi. Waouh. Voilà, donc ça s'appelle Kent State. Ça s'appelle quoi, ouais, donc Kent State de Derf Bagderf, et c'est aux éditions Ça et Là. Et voilà, c'était une recommandation. Je fais très complet. Super, mais c'est génial. Ouais. Après, ce que j'ai eu autour de ma recommandation, comme d'hab. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, en fait, moi, ma recommandation, ça passe par les personnages, la comédienne qui joue Donna, donc Kira Sedgwick, c'est hyper dur à dire, qui fait un caméo dans une série que peut-être tu connais, que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Oui. Et je trouve qu'il y a vraiment une série drôle à voir. Très drôle. Qui est vraiment assez génialissime. Et en fait, c'est une espèce de parodie de série des flics avec des super comédiens, et c'est vraiment, vraiment très drôle. Et elle fait un personnage horrible dans cette série. Et c'est assez génial. Ouais, donc voilà, c'est l'ennemi juré du capitaine de ce groupe de policiers qui ne grandissent pas, quoi. C'est des grands gamins. Ça fait un peu, c'est un peu esprit The Office, Parks and Recreation, voilà, et tout ça. Voilà, c'est ça. Je crois même que c'est le même auteur de Parks and Recreation. Que Parks and Rec, je crois. Je crois. Voilà. Bon, voilà, tout le monde connaît, mais bon, je l'ai vu, j'ai pas pu ne pas conseiller ça. Voilà. Tu m'étonnes. C'est très, très bien. Alors, je mets une petite fond sonore. Ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la suite de nos aventures ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les années 80. Nous sommes en 89, nés un 4 juillet. Ça y est, les années 80, c'est terminé. Oust. Voilà. Alors, on finit plutôt bien. Ouais. On a très très mal démarré. Mais là, les derniers deux films, je dois dire... Là, on est au top. Beau cadeau. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans deux semaines, vous ne retrouverez pas un épisode classique, puisque vous aurez droit à la diffusion de notre épisode bilan des années 80, qu'on a enregistré en direct. Voilà. Avec du public. Pour la première fois. La première fois. On va voir ce que ça va donner. Donc, vous aurez droit à ce petit bilan dans deux semaines. Ensuite, on fera une petite pause parce que c'est l'été et qu'on va aller, je sais pas où, on va aller en vacances, en peut-être, vacances, ou travailler, on sait pas encore exactement ce qu'on fait. Dans ça dépend. Vie. La vie est très trouble pour nous aussi. On va peut-être, je sais pas, aller au Mexique. Non. Villa Dulce. Donc, petite pause et on reprendra courant septembre pour attaquer la saison 2 où on attaquera les années 90. Yeah. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va vous laisser, vous allez pouvoir revoir, réécouter les épisodes, revoir les films, commencer à vous avancer pour les films des années 90. Oui, parce qu'il y a quand même des pépites à voir avant qu'on en parle et qu'on spoil tout. Donc, oui, voilà. Après, ouais, là, on est parti. Autant sur les premiers épisodes, on a hésité. Maintenant, on n'hésite plus. On spoil. On spoil et c'est une décision unanime. Ouais, voilà. Donc, on démarrera forcément avec le premier film des années 90 qui s'appelle Days of Thunder, les jours de tonnerre. Days of Thunder. Ouais, voilà. Donc, ouais, bon, celui-là, je sais pas. On verra. Vous le regardez, on en parlera à la rentrée, donc courant fin septembre. D'ici là, portez-vous bien. On est disponible sur toutes les plateformes de diffusion normalement. Si on n'est pas disponible sur une, vous nous dites, on essaiera de s'y mettre. Vous mettez des petites étoiles sur Apple Podcast. Yes. Vous nous envoyez des petits messages, vous suivez sur les réseaux sociaux, vous en parlez autour de vous, vous dites, ah bah là, c'est les vacances, profites-en, refais-toi la saison 1, tu vas voir, c'est sympa. Ou pas. Ou sinon, pas. Vous faites d'autres choses. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Mais bon, si vous êtes arrivé à l'épisode 11, c'est qu'a priori, ça a l'air Il y a quelque chose à... Vous êtes aussi troublé que nous par rapport à Tom Cruise. C'est déjà pas mal. Vous ou alors vous nous aimez beaucoup et c'est très bizarre. Ou alors vous êtes nos mères. Oui, ou alors c'est ça, c'est les, vous êtes les mamans. Et sinon, on est hébergé chez PodCloud qui fait du super boulot par rapport à tous les podcasts du monde génial. Entier de la France. On adore. On adore. Et voilà. Sinon, rien de plus. Ouais. Des bisous, rien des bisous. De plus. À très bientôt. Bonne vacances. Allez, chèque. Mais là, c'est je la recalerai la musique parce qu'en fait, il restait 2 secondes de musique. Mais c'est pas mal ça. Ouais, bah, non, bah, de toute façon, on verra. J'arrête l'enregistrement. Oui.